Diogène le Cynique s'appelle aussi Diogène de Sinope, du nom de sa ville natale sur la mer Noire, où il naît en 405 avant Jésus-Christ, quelques années avant la mort de Socrate. Aucun de ses écrits ne nous est parvenu, et tout ce que nous savons à son sujet nous a été transmis par d'autres que lui, notamment par un autre Diogène, Diogène Laërce, auteur des Vies et Doctrines des philosophes illustres. Et pourtant, le cynisme est une philosophie qui s'apprend, qui s'enseigne et dont les effets directs sur la société sont impressionnants. Voici donc aujourd'hui l'histoire de Diogène le Cynique, que l'on compare souvent à un chien, il le faisait lui-même, alors que tout commence avec une souris à laquelle Diogène veut à tout prix ressembler. Diogène avait vu une souris qui courait de tous côtés, sans chercher de lieu de repos, sans avoir peur de l'obscurité, ni rien désirer de ce qui passe pour des sources de jouissance. Il découvrit ainsi un remède aux difficultés dans lesquelles il se trouvait. Il fut le premier, au dire de certains, à plier en deux son manteau parce qu'il était contraint de s'en envelopper aussi pour dormir. Il se mit à porter une besace où il mettait sa nourriture, et tout endroit lui convenait pour toute activité, manger, dormir ou discuter. Étant tombé malade, il s'appuyait sur un bâton. Par la suite, toutefois, il prit l'habitude de porter ses affaires non pas bien sûr en ville, mais sur les chemins, au moyen de ce bâton et de sa besace. Alors qu'il avait demandé par lettre à quelqu'un de lui prévoir une petite maison et que la personne tardait, il élut domicile dans le tonneau. Une souris qui trotte, trotte, trotte sans s'arrêter. Une souris qui grignote, gnote, gnote la journée. Elle croque les minutes, flûte, flûte et le repas. Puis elle fait la culbute, bute, bute à moins le quart. C'est une souris qui frotte, frotte, frotte son museau sur les heures qui tremblotent, blotte, blotte à plein fuseau. Elle avale les secondes, gronde, gronde à belles dents. Elle chipe à tout le monde, monde, monde un bout de temps. C'est une souris qui note, note, note les cafards. Une souris qui radote, dote, dote, il est trop tard. Quand elle mange les semaines, gêne, gêne, elle s'étouffe. Elle est pleine, elle se traîne, traîne, traîne, on pousse un ouf. Et oui, nous sommes heureux de rendre hommage à Anne Sylvestre ce matin sur France Culture. On aurait pu rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, mais le lien était moins évident. Bonjour à vous, Suzanne Husson. Bonjour Adèle. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Metz, où vous vous trouvez. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université en philosophie ancienne. Vous êtes l'auteur aussi de La République de Diogène, une cité en quête de la nature, publiée aux éditions Vrin en 2011. Que se passe-t-il quand Diogène aperçoit la souris qui court de tous les côtés sans chercher de lieu de repos, dit le texte? Eh bien, il s'aperçoit qu'en observant cette souris, comme dit l'anecdote, il peut trouver une solution aux difficultés dans lesquelles il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être exilé de sa ville natale, qui était Sinope. Or, à Sinope, il faisait partie d'une famille assez bien établie. Son père était banquier. C'était d'ailleurs le banquier qui était chargé de contrôler la monnaie officielle, car nous avons retrouvé des monnaies portant le nom de son père Ichésias. Et pour une raison qu'on ignore, nous n'en sommes pas sûrs parce qu'il y a différentes versions. Il s'est fait exiler de Sinope avec son père. Et donc, il se retrouve à Athènes. Donc, Athènes, effectivement, Socrate est mort depuis longtemps. Seuls restent les disciples de Socrate, par exemple Platon. Et donc, il se retrouve démuni de tout. C'est un SDF. D'autres versions de la même anecdote dit qu'il se trouvait dans la rue alors que d'autres étaient en train de banqueter dans une maison. Et c'est là, donc, qu'il aperçoit la souris. Et la souris, en fait, lui montre quelle est l'attitude intérieure à adopter. Pourquoi ? Parce que elle n'est pas victime de toutes les illusions qui lui le font souffrir, puisque si lui souffre d'être dans la situation où il est, c'est en très grande partie parce qu'il est frustré de tous ses privilèges, de tout ce confort, de toute cette richesse qu'il a dû abandonner au moment de l'exil, et aussi parce qu'il souffre du mépris, de la mauvaise réputation, ou de l'absence de réputation dans laquelle il est tenu lorsqu'il arrive à Athènes. Et donc, il se rend compte que la souris, elle, finalement, vit sa vie sans avoir à souffrir de toute une série de désirs, d'illusions qui, en fait, donc, se révèlent complètement superflues, complètement vains. Et donc, c'est l'observation du fait que cette souris peut mener sa vie indépendamment de tout ce que lui le fait souffrir, qui explique sa conversion à la philosophie. Oui, alors je vous demanderai juste, Suzanne Musso, de vous éloigner un tout petit peu de votre combiné, parce que quand vous parlez, ça grésille un peu. Voilà, je vous le dis, ce sera plus confortable pour l'auditeur. Et comme ça ? Voilà, ça ira très bien, j'en suis sûre, sinon je vous le dirai. Ce qui est passionnant dans ce que vous venez de raconter, c'est que Diogène se convertit à la philosophie à la vue d'un animal, et ce faisant, il prend le contre-pied alors je ne sais pas si c'était son maître, en tout cas de son prédécesseur Socrate, qui lui a bien affirmé que l'homme était supérieur à l'animal, et Diogène, lui, va renverser cette hiérarchie. Oui, alors effectivement, Diogène n'a pas pu connaître Socrate, même si certains admirateurs de Diogène étaient aussi des admirateurs de Socrate. Mais donc oui, il y a une forme de renversement, parce que ce que l'animal nous apprend, ce sont justement ces manques, ce qui était perçu par les autres comme des manques, le fait de ne pas pouvoir raisonner, de ne pas pouvoir finalement partager les mêmes valeurs que celles de la communauté humaine. Alors, au contraire, pour les cyniques, ce sont justement ces absences qui sont une richesse, qui sont révélatrices du fait que nous pouvons nous en passer. Nous passer de quoi ? Des richesses. Nous pouvons vivre sans adhérer à tout un ensemble de valeurs, qui sont conçues à la fois, je dirais, de façon déviée par une raison qui est complètement engluée dans des désirs et dans des désirs artificiels, et l'animal, lui, peut se passe spontanément de l'artifice, et donc il nous montre que nous pouvons nous en passer. Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche! Non! Tu lâches! Quoi? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois. Il m'a pris mon poulet! Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Excuse-moi. Je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà. S'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous. C'est bien eux. Ou nous. Alors? Quoi? Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas? Dès le début, hein? C'est juste. Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux. Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde. Tiens. Et ensuite, si je le dresse pas, le chien, ça va devenir un animal sauvage. Il va faire n'importe quoi, il va mordre des gens, donc, il va mordre la gamine. Sauvage, c'est un mot que tu classes dans la case pas bien? Non, dans la case sauvage. Pas mal, juste dans la catégorie sauvage. Alors, quand on demandait à Diogène quelle sorte de chien il était, il répondait « Quand j'ai faim, un petit maltais, une fois repu, un molosse. Je suis de ces chiens dont la plupart des gens font l'éloge, mais qu'ils n'osent, par crainte de l'effort, emmener avec eux à la chasse. C'est ainsi que vous n'êtes même pas capable de vivre en ma compagnie par crainte des souffrances. C'est Diogène Laërce qui le raconte, hein, toujours dans son livre sa Vie et doctrine des philosophes illustres, qui vient faire écho à l'extrait du film Problemos d'Éric Judor, qui est décidément le film préféré de Laurence Malanda en ce moment et qui fonctionne très bien, qui met en scène le caractère parfois ridicule qu'il peut y avoir à considérer que le chien est au-dessus de l'homme. Diogène avait conscience de ce ridicule. En tout cas, c'était aussi une provocation chez lui, non ? C'est très important pour comprendre sa posture aussi, Suzanne Husson. Oui, oui. Alors, là aussi, bon, la tradition est un petit peu contradictoire. Hein. Il y a des tensions. C'est-à-dire qu'on a des témoignages où, au contraire, Diogène va valoriser la raison. Mm-hmm. Parce que, certes, il s'agit de prendre modèle sur l'animal, mais il ne s'agit pas d'imiter l'animal. Et je ne pense pas non plus qu'il s'agisse de considérer que l'animal est absolument au-dessus de nous. Il s'agit d'observer l'animal et de voir quelles leçons éthiques nous pouvons tirer de son mode de vie, dans la mesure justement où il n'est pas victime de l'artifice et où il est spontanément heureux à cause de cela, ou tout au moins aussi heureux qu'il peut l'être. Et donc ensuite, la question c'est de quel animal il s'agit. Oui. Parce que, en fin de compte, les animaux, les espèces animales ont des modes de vie très divers. Et lorsque on choisit d'observer l'animal et de voir s'il peut être un modèle moral pour nous, ça implique qu'on fasse d'abord un choix. Mmh. Un choix entre les animaux. Et en ce qui concerne le chien, en partie, c'est un choix qui a été subi par Diogène, puisque certains témoignages rapportent que c'était les autres qui le traitaient de chien. Par exemple, on a cette belle anecdote où Diogène était en train de manger en public et ceux qui l'entourent l'appellent chien. Et il leur répond en leur disant « Mais c'est vous les chiens, parce que c'est vous qui me regardez pendant que je mange. Mmh. » Et donc, Il a transformé une insulte en fierté. Voilà, voilà. C'est le retournement du stigmate, hein, qui est un phénomène bien connu en sociologie. Mais là, c'est devenu un retournement philosophique du stigmate. C'est ça, oui. Voilà. Allez-y. Et donc, il a assumé nom de chien. D'ailleurs, les cyniques, certes, s'appelaient plus des chiens que des cyniques, d'ailleurs. Mmh. Et donc, il a assumé ce nom de chien. Alors ensuite, de quel type de chien ? Pourquoi ? Enfin, d'abord, pourquoi le chien ? Eh bien, parce que le chien dispose d'une forme de discernement. Il sait aboyer à bon escient, il sait défendre, enfin être doux avec les amis et rude avec les ennemis. Donc l'un des modèles, c'est le chien de garde, le chien de chasse, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire le chien domestique. Mmh. Mais il ne s'agit pas ici pour Diogène de défendre la propriété comme le ferait un chien de garde, mais il s'agit ici de défendre les valeurs, défendre sa philosophie, et donc être capable de mordre lorsque il est face à un individu victime de ses illusions, qui cherche à nier la vie simple, la vie conforme à la nature, voilà, que lui veut mener. Mais alors c'est ça toute la question, Suzanne Husson, c'est qui le chien veut-il mordre ? Qui sont les adversaires de Diogène ? Prenons le terme de cynique. et de cynisme au sérieux, puisque c'est véritablement une école philosophique à laquelle va appartenir Diogène. Enfin, école, on ne sait pas vraiment si c'était une école. En tout cas, c'est une philosophie. Est-ce qu'il faut comprendre le cynisme comme un mouvement de retrait de la société? Il vit dehors, il mord ses ennemis comme le chien, ou comme une offensive critique envers cette même société? Alors, je pense que c'est plutôt là vraiment une offensive critique. Voire même, comme vous l'avez vu au départ, une forme de volonté de transformer cette société de l'intérieur. Un petit peu de faire un petit peu bouger les règles du jeu. Pourquoi ? Parce que justement, le cynique refuse la distinction, refuse les barrières, la distinction entre l'espace privé et l'espace public. Pour lui, nous devons pouvoir tous vivre en plein jour, dans la mesure où nous allons tous chercher à vivre conformément à la sagesse, à la vertu, nous devrions tous pouvoir vivre en plein jour, donc ne rien cacher. Et là, je ne me souviens plus quelle était la question de départ. Eh bien, savoir si son attitude cynique était une attitude de retrait ou une attitude, offensive, non, vous êtes tout à fait en train d'y répondre. Voilà, là, c'est... Donc, au contraire, il s'agit d'abord, en quelque sorte, d'abattre les frontières dans sa propre vie pour qu'ensuite les autres, en nous, en voyant donc comment nous cyniques, enfin bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas dire nous, mais ah en bon voyant comment non, en voyant comment les cyniques vivent et ce qu'ils enseignent, pour que eux aussi puissent dans une certaine mesure abattre leurs propres murs, leurs propres frontières. Et donc non, je pense que de ce fait, ils ont créé un nouveau rôle, un nouveau personnage, en tout cas un nouveau type de philosophe, le philosophe mendiant, de la même façon que, par exemple, François d'Assise a créé le moine mendiant. Eh bien, on peut dire que ce que les cyniques ont fait, c'est qu'ils ont créé ce mode de vie philosophique très particulier, le mode de vie cynique, et ce, donc, jusqu'à la fin, pratiquement la fin de l'Antiquité, on pouvait dire jusqu'au IVe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que le christianisme prenne le relais. Mmh. Dans son cours au Collège de France en 1984, Michel Foucault dit ceci: le cynique, c'est l'homme au bâton, c'est l'homme à la besace, c'est l'homme au manteau, c'est l'homme aux sandales ou aux pieds nus, c'est l'homme à la barbe hirsute, c'est l'homme sale, c'est l'homme aussi qui erre, c'est l'homme à qui manque toute insertion, il n'a ni maison, ni famille, ni foyer, ni patrie, c'est l'homme de la mendicité aussi. Et quand on lit ces lignes, à la fois on trouve que ça s'applique exactement au portrait de Diogène le cynique que nous sommes en train de faire, et en même temps on y voit quelque chose presque de caricatural, parce que très esthétique. Dans quelle mesure est-ce que l'attitude de Diogène n'était pas une posture, certes provocante, mais aussi qui essayait d'exacerber certaines choses pour provoquer la société et pour essayer de la mettre à mal, et ce qui est difficilement compatible avec la sincérité que demande un projet philosophique? Alors, effectivement, c'est une posture. Je dirais que c'est une vie en public, donc c'est une vie devant le public. C'est une vie qui, elle-même, constitue la cité, les citoyens de la cité en spectateurs. Et donc, le cynique vit sa vie comme s'il était sur un théâtre, en tout cas quand il est parmi ses contemporains, parce que il est vrai que les cyniques se pensaient comme des philosophes itinérants, parce qu'il y a donc un rejet de la maison, un rejet de la cité, de la patrie. Et donc finalement, ce qu'ils veulent imiter, c'est le nomadisme des oiseaux migrateurs, par exemple. Mmh. Donc ils se vivent comme des itinérants. Et donc entre deux voyages, ils sont censés être seuls, donc prendre leur besace, leur bâton, et donc aller sur les routes, se nourrir, boire aux sources, se nourrir aux cressons des fontaines, etc. Mais une fois qu'ils sont donc parmi leurs contemporains, effectivement, leur vie est en même temps un enseignement. Mm-hmm. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'est pas sincère. Parce que je dirais que nous concevons la sincérité vis-à-vis d'une intériorité. Pour nous, la sincérité, c'est la conformité entre notre intériorité et nos actes. Mais il me semble plutôt que pour les cyniques, il n'y a pas d'intériorité véritablement. Il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de cultiver une belle âme par son mode de vie, mais au contraire, le mode de vie, la vie que nous menons est le résumé de ce que nous sommes. Oui. Et c'est ce que Foucault appelle le dire vrai, justement, la paresia, oui. Ce discours qui est du côté de l'invérité plus que de la sincérité. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ou aussi une autre phrase qu'on prête à Diogène, hein, se moquer de la vie. Se moquer de la philosophie, lapsus est intéressant aussi. Donc se moquer de la philosophie, c'est déjà philosopher. Donc je dirais mettre la philosophie en scène, le mode de vie cynique en scène, c'est ça la philosophie. Le dire vrai du parisiaste se pointe vers des individus et des situations pour dire aux individus la vérité d'eux-mêmes qui se cachent à leurs propres yeux, pour leur révéler leur situation actuelle, leurs défauts, la valeur de leur conduite. Le parisiaste ne révèle pas à son interlocuteur ce qui est, il lui dévoile ou il l'aide à reconnaître ce qu'il est. Comme on lui demandait ce qu'il y a de plus beau au monde, Diogène répondit « le franc-parler ». Entré dans la maison d'un professeur où il voyait de nombreuses statues des muses et peu de disciples, il dit « si l'on compte les divinités, maître, tu as beaucoup d'élèves ». Il avait l'habitude de tout faire en public, aussi bien les œuvres de Déméter que celles d'Aphrodite, et il formulait des raisonnements par interrogation du style. S'il n'y a rien de déplacé à déjeuner, il n'y a rien de déplacé non plus à le faire sur la place publique. Or, déjeuner n'est pas déplacé, donc il n'est pas déplacé non plus de déjeuner sur la place publique. Il se masturbait constamment en public et disait « Ah, si seulement en se frottant aussi le ventre, on pouvait calmer sa faim !» On rapporte encore à Diogène bien d'autres mots, mais il serait trop long de les énumérer vu leur nombre. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Les chemins de la vie, pour reprendre votre lapsus, votre beau lapsus, Suzanne Husson. Alors, le texte qu'on vient d'entendre, lu par Daniel Mesguich, nous donne d'autres éléments pour essayer de comprendre la philosophie et la posture de Diogène. On va essayer de les énumérer les uns après les autres et vous allez nous les expliquer. Il y a la distinction entre le privé et le public et je voudrais qu'on y revienne dans un instant. Mais d'abord, quand même, la phrase choc que les auditeurs auront entendu, il se masturbait constamment en public et disait « Ah, si seulement en se frottant aussi le ventre, on pouvait calmer sa faim ». Ce geste de masturbation, c'est là, c'est vrai qu'on a envie de croire quand même qu'il est dans la posture. Est-ce que c'est simple provocation ? Alors, bon, s'il le faisait, oui. C'est-à-dire, il estime... En fait, pourquoi sommes-nous victimes ? Quelles sont nos illusions ? Finalement, quelle est la racine des illusions, de nos illusions et de nos malheurs ? C'est que nous ne comprenons pas que, en fin de compte, la vie est facile, que nous avons très peu de besoins, des besoins qui sont faciles à satisfaire, et donc même si nous ne sommes pas aussi autarciques que les dieux le sont, parce que les dieux sont parfaitement autarciques, nous sommes presque autarciques. Et finalement, il y a un domaine pour Diogène dans lequel nous sommes finalement aussi autarciques que les dieux, c'est le domaine du désir sexuel. Puisque, en fin de compte, pour satisfaire ce besoin, ce désir sexuel, nous n'avons absolument besoin de personne d'autre. Il suffit de recourir à la masturbation. Mmh. Et donc, si Diogène se masturbait en public, et justement en disant « Ah, si je pouvais satisfaire aussi facilement ma faim », c'est pour montrer aux autres la voie de l'autarcie et pour leur montrer que, en fin de compte, tous ces désirs un petit peu sophistiqués qu'ils peuvent avoir au niveau sexuel, donc pour lui, de son point de vue, ce ne sont que des illusions. Nous avons finalement donc la satisfaction est à la portée de la main. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Donc là, c'est, la masturbation a une vertu pédagogique, en fait, indépassable. Voilà, voilà. Tout à fait. Quel professeur il faisait. Alors, oui, allez-y. Et je vous prie de m'excuser. Et on dit aussi que donc l'un des élèves de Diogène, donc c'est Cratès, et donc Cratès et Hipparchia ont formé un couple. L'anecdote dit qu'il faisait l'amour en public. Mmh. Et pourquoi ? Parce que là aussi, c'est un des aspects positifs du chien, c'est son impudeur, son anaïdéia. Et là aussi, on a un retournement du stigmate, c'est-à-dire que on dévalorisait le chien parce que justement, bah, le chien fait tous ses besoins sans aucune précaution, et donc il est impudique. Mais pour les cyniques, les normes de la pudeur sont complètement illusoires parce que si l'acte sexuel est un acte naturel, il n'y a aucune raison de le cacher. Et donc, cela permet de prendre exemple sur le chien et exemple donc sur son absence de barrière. Oui, au fond, c'est ça. La base, le fondement de la philosophie de Diogène, c'est que la nature est la norme. Ce que la nature nous enjoint à faire ne devrait pas être caché, ne devrait pas faire l'objet d'une pudeur, mais devrait avoir lieu en place publique, précisément. Voilà, tout à fait. Et cette nature-là, le problème, c'est qu'elle est souvent en conflit avec la convention, avec la société, et c'est là où le problème se pose. Et oui, voilà, tout à fait. C'est exactement cela. Et en ce qui concerne eh bien le désir sexuel, il est en conflit avec l'institution du mariage, puisque l'institution du mariage, c'est celle qui va permettre d'établir les cellules, les premières cellules de la société autour desquelles vont s'organiser les maisons, les oikia. Et donc, c'est aussi une cellule qui va permettre de produire et d'accumuler des propriétés. Et donc, en prônant soit la masturbation, soit l'amour libre, les cyniques, en fait, s'attaquent à cette institution sociale. Oui, mais alors pourquoi cette remise en question de la distinction entre privé et public ? Pourquoi tout faire en place publique ? Quel est le problème avec la propriété privée ? Enfin, même pas la propriété privée, avec l'idée même de privé. Et c'est l'idée de la dissimulation. Le privé, c'est ce qui permet de se cacher et donc d'agir contrairement à la vertu, de faire ce dont nous ne serions pas fiers. Et donc là, c'est le premier aspect du privé. Et l'autre aspect de la distinction privé-public, c'est l'appropriation par un individu ou par une famille d'une partie des richesses, alors que fondamentalement, pour les cyniques, les richesses sont communes. En tout cas, elles sont communes entre tous les sages. Donc il y a un projet de société dans le cynisme, si je vous comprends bien. Alors, il y a un projet, alors non pas de, il n'y a pas de projet révolutionnaire au sens où nous l'entendons, parce que les cyniques ne pensaient pas qu'il suffise de changer les institutions politiques pour changer les hommes. la démarche qu'ils envisageaient est inverse, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que les individus se changent eux-mêmes pour ensuite créer entre eux de nouvelles relations. Mmh. Mais néanmoins, donc il n'y a pas de projet de bouleversement social, mais donc il y a néanmoins une constitution théorique ou fantasmatique ou poétique d'utopie de cynique qui vivrait dans une forme de communauté où il n'y a pas justement de propriété privée, de distinction entre le tien et le mien, où chacun ne possède que ce que sa besace lui permet de contenir. Ah, c'est pareil. Voilà, vas-y. Oh là. Voilà. Oh. Reste là. Ouais, j'ai pas l'habitude. Ouais, là, comme ça. Ouais, mais vas-y, mais serre à fond. Ah non, mais j'ai peur de leur faire mal. Ah non, tu leur feras pas mal. Ah oui, ça vient. C'est marrant. Et toi, comment t'as atterri là? Après 68, j'habitais à Paris. J'ai été écœuré par la société de consommation, alors j'ai décidé de vivre autrement. J'ai commencé par couper le chauffage. Je prenais des douches le moins souvent possible, ou à l'eau froide. Je me suis mis à tricoter moi-même mes pulls avec de la laine que j'avais par une filière parallèle. J'ai réduit tous mes besoins. Je marchais pieds nus. Chaque fois que je voulais acheter un truc, je me disais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et à chaque fois, je renonçais. Et tu vivais comment? Comme un clodo. Je suis tombé malade, j'ai perdu mon boulot et ils m'ont viré de ma pio. Alors, je suis descendu dans le midi. J'ai pensé que la misère me serait moins pénible au soleil. Et oui, on traite des chèvres sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. C'est un extrait du film Les Babacools de François Le Terrier, 1981. Est-ce que les Babacools, qui à l'époque avaient vraiment une signification, on voit ce que ça signifie, la société anticonsumériste, une sorte de rusticité et de communauté. Est-ce que ce serait une transposition moderne du mode de vie cynique que prenait Diogène, Suzanne Husson? Alors, je dirais que j'ai l'impression que ces babacools sont encore trop installés pour des cyniques. Parce que, donc effectivement, il n'y a pas de témoignage de cyniques qui se soient retirés à la campagne pour travailler dans une ferme. Alors que c'est un idéal qui est venu un petit peu plus tard avec les stoïciens romains. Mais pour les cyniques, en fait, refusent la division du travail. Ils partent du principe que chaque animal naît dans un endroit où il peut survivre. Et donc, que nous n'avons pas besoin de procéder à cette division du travail pour pourvoir à nos besoins. Alors peut-être se trompe-t-il, hein, sans doute se trompe-t-il. Et donc, cette idée de partir travailler en communauté pour subsister à ses besoins en se retirant du reste de la société, je pense que c'est déjà un petit peu trop bourgeois, si j'ose dire, comme perspective pour un cynique. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux vivre dans une ferme que dans un tonneau en termes de confort. Là, aucun doute là-dessus. Donc ça veut dire que pour Diogène, tout son travail cynique, corrosif et de critique doit se faire au cœur de la cité, pas dans une maison, sur la place publique, mais quand même dans la ville. Oui, parce qu'il se pense vraiment comme un philosophe. Et donc en tant que philosophe, il se doit d'enseigner. Et il ne peut enseigner que là où ses contemporains se trouvent, que là où ceux qui sont englués dans leur malheur, dans leur folie, se trouvent. Et donc, il ne s'agit pas de chercher une sorte de petit bonheur solitaire dans une communauté un peu confortable. Enfin, me semble-t-il, dans la mesure où il n'y a aucun témoignage de communauté cynique de ce genre. Nous avons des témoignages vers la fin de l'Antiquité de groupes de cyniques qui se déplaçaient ensemble, mais qui allaient de ville en ville ensemble, donc qui ne cherchaient pas à s'installer. Mais est-ce que pour autant le cynisme est un individualisme ? Eh bien non, à cause de cela, je pense, à cause de cela. C'est-à-dire que ce qu'il cherche à faire, c'est à transformer les liens humains. Mais il n'est pas un individualisme dans le sens où il ne s'agit pas de chercher simplement son propre bonheur individuel. Le bonheur, c'est un bonheur qui se fait sous le regard des autres. Et dans quelle mesure est-ce que la figure de Diogène hérite et rappelle celle de Socrate, parce que tous les deux se trouvent sur la place publique, tous les deux se font condamner d'une manière ou d'une autre par la société, et tous les deux se revendiquent philosophes et sont prêts à assumer les conséquences que le caractère subversif de la philosophie va avoir sur leur propre vie. Oui, alors effectivement, il y a, il est vrai que Diogène partage avec Socrate son occupation de l'espace public, effectivement. Bon, par contre, Diogène, justement, trouvait Socrate s'accordait déjà un peu trop de confort. Il avait une maison, un lit, etc. Donc, il n'était pas assez à sec de son point de vue. Mais ce qui les distingue profondément, c'est leur conception de la philosophie, puisque Socrate oriente son enseignement vers l'échange dialectique, l'échange intellectuel, donc vers la connaissance, la définition. Mm-hmm. Alors que Diogène, lui, oriente son enseignement vers l'action. C'est-à-dire, il ne sert à rien de chercher à définir ce qu'est telle ou telle vertu. Il s'agit d'abord de la pratiquer. Et donc, l'orientation de Socrate, ou en tout cas de ce que ses disciples nous ont laissé de son enseignement, est une orientation intellectuelle, intellectualiste, ce qui n'est pas le cas de Diogène. Alors que quand même lui-même se présente comme étant le sage au milieu des insensés. Il y a quand même cette posture-là. Lui est du bon côté quand tous les autres sont du mauvais côté. Oui, tout à fait. Lui est le sage. Il se présente comme rationnel. Mais c'est justement à cause de sa rationalité morale, de sa rationalité pratique, qu'il refuse en quelque sorte les excès de rationalité, les excès d'une sorte de gourmandise théorique qui serait celle des autres écoles philosophiques, en particulier celle de Platon, qui à ce titre n'a fait que poursuivre cet aspect de la démarche de Socrate. Et est-ce que tout le monde peut devenir cynique ? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi que seulement quelques heureux élus peuvent devenir tel Diogène, le sage qui, dans son tonneau, provoque la société, mais se trouve du côté de la vérité ? Il y a une forme d'élitisme, non ? Oui. Ah, oui. Il y a tout à fait une forme d'élitisme. Nous ne sommes pas du tout dans une philosophie des Lumières démocratiques qui vise l'émancipation absolue de tous les individus. C'est une ascèse donc tout de même assez rigoureuse. Et effectivement, il y a une forme d'élitisme, mais c'est un élitisme que l'on retrouve pour ainsi dire, dans toutes les philosophies de l'Antiquité. Mmh. Ou en tout cas, par exemple, bien si nous prenons le philosophe de cette époque, donc Platon, bon, ça, il est clair que pour Platon, le peuple ne deviendra jamais philosophe. Et donc, ici, nous sommes dans la même configuration. Oui, c'est ça. C'est que d'un côté, la philosophie est une manière de vivre qui doit transformer notre rapport à la vie. Et donc, il y a quelque chose qui peut paraître démocratique, parce que ça passe par l'action et pas que par la théorie. Mais en même temps, seules certaines personnes peuvent prétendre accéder à ce titre et à cette pratique philosophique. C'est-à-dire que tout le monde peut y prétendre, tout le monde peut essayer. Ouais. Mais tout le monde ne le fait pas. Mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Vous avez dit malheureusement, je peux pas être cynique, je suis pas assez forte. Pourquoi c'est inatteignable cet idéal cynique ? Disons que moi, personnellement, dès qu'il fait moins de 15 degrés, je ne supporte plus. Donc là, je ne vois pas comment je pourrais vivre dans un tonneau emmailloté dans un manteau. Donc déjà, je sais que c'est impossible pour moi. Moi, je me situerais plutôt du côté des admirateurs de Diogène, qui, comme Alexandre disait, si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais aimé être Diogène. Mais malheureusement, dans ma propre démarche, je ne peux pas aller plus loin. Allez, on va prendre Diogène au sérieux et on va essayer de se demander à quoi ressemblerait une société où, eh bien, tout le monde userait du franc-parler, comme il le dit, où tout le monde dirait ce qu'il pense au moment où il le souhaite. Est-ce qu'une société est tenable dans ces circonstances? Voici un extrait du film Menteur, menteur. Pardonnez-moi d'interrompre votre réunion, maître Alan. Vous vous souvenez de Fletcher Reed? Ah oui, oui, heureux de vous revoir, Fletcher. Il y a longtemps que je vous observe au tribunal. D'ailleurs, tout le monde me dit beaucoup de bien à votre propos. Oh. Eh bien, Fletcher était justement en train de me dire quelle opinion réelle il a de vous. C'est un pédant, un emmerdeur fini, un frimeur, un beau salaud, un vieux teigneux de merde, un vilain taf fumant de pousse de vache en conserve. Au sens figuré, bien sûr. C'est bien la blague la plus marrante qu'on ait osé me faire. C'est un sacré numéro, Reed. J'adore une bonne mise en boîte, moi. Tiens, mais faites-nous Simons, là. Simons, il est vieux. Il devrait être en retraite depuis belle lurette, mais il ne peut pas rester chez lui parce qu'il déteste sa femme. Vous avez dû la voir au pot de fin d'année. C'est la grosse qui s'est beurrée la gueule et qui le traitait de pauvre de beurrée. Et vous, Tom, vous êtes le champion maison pour ce qui est de la lèche. Vous avez la tête tellement tout près des fesses de Monsieur Alan qu'on voit pas où il s'arrête et où vous commencez. Il me tuera, celui-là. Vous avez mauvaise haleine à cause de votre gingivite. Vous feriez même pas jouer une nymphomane. Votre postiche ressemble à une bestiole qui se serait fait écraser en traversant la route. On sait pas s'il faut la payer ou la ramasser avec une pelle et la plonger dans l'acide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit comment le personnage qui est un avocat passe de la posture cynique au sens courant du terme, un avocat sans pitié et désabusé, à cynique au sens antique du terme, à celui qui ose dire la vérité, Suzanne Husson. C'est ça, en fait, qui se passe. Oui, alors, je dirais que la parésia, donc la sincérité, le franc-parler, ça ne consiste pas à dire tout le mal qu'on pense des gens. Parce que, en fait, c'est un franc-parler qui a toujours une vocation soit politique, soit pédagogique. Par exemple, ce franc-parler, c'est le franc-parler entre amis. Car l'ami est celui qui va oser vous dire sincèrement ce qui ne va pas chez vous, mais ceci pour vous faire progresser. Et donc, la parésia n'est valorisée que si elle aboutit à ses résultats, positifs. Et donc, il ne s'agit pas simplement, je dirais, de descendre autrui, de dire tout ce qui va mal chez lui, simplement pour être sincère. Non, si on le fait uniquement si on estime que ça peut le faire progresser. Ah oui, mais alors ça prête à confusion, parce qu'on peut tout à fait dire tout le mal qu'on pense de quelqu'un en disant « mais c'est pour ton bien ». Oui, et d'ailleurs, peut-être est-ce pour cela que les cyniques usaient beaucoup d'humour. Souvent, en tout cas dans ce qui nous est resté de leur enseignement, lorsqu'ils s'adressent à une personne en particulier, ne vont pas lui signifier directement ses défauts, mais vont le faire à travers l'humour. Mais donc, effectivement, on peut user de ce sophisme qui consiste donc à dire tout le mal qu'on pense d'une personne pour ensuite lui dire bon, c'est pour ton bien. Mais bon, dans la mesure où les cyniques sont censés être des sages, ils sauront en principe y faire. Oui. Et Disons qu'en principe, de toute façon, ils n'ont pas de raison de vouloir détruire les autres. Oui, et puis n'est pas Diogène qui veut, c'est ça le problème. Voilà, parce qu'il y a eu un glissement sémantique quand même entre le cynique antique et ce que signifie le mot cynique aujourd'hui, qui est plus proche de la posture désabusée et grinçante. Et sans doute nihiliste d'ailleurs. Le cynique, c'est celui qui prend ses distances parce qu'il ne croit pas en grand-chose. Comment ce glissement s'est-il opéré ? On est loin là du sens antique, non ? Oui, effectivement, on en est très loin. La figure de Diogène a continué à se maintenir, à être réinterprétée, alors même que donc son contexte de naissance a disparu, et alors même que on a retenu ses aspects critiques. Et au contraire, négliger, les aspects positifs de son éthique, l'éthique donc de l'ascèse, de la restriction des désirs, du retour à au plaisir, au désir nécessaire, etc. Et donc, dans l'interprétation qu'on a ensuite donnée de Diogène, on a juste retenu, cet aspect parésiaste. Cet aspect critique, et ce qui fait que progressivement on a pu assimiler le cynisme à un nihilisme, c'est-à-dire un rejet de toute valeur, alors que le cynisme n'était pas du tout un nihilisme. D'ailleurs, on peut même, quand je vous entends, on peut comprendre le cynisme antique comme une sorte de préparation au stoïcisme, non ? Oui, tout à fait. Donc il y a eu un lien historique. Puisque le fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, était élève d'un élève de Diogène, de Cratès. Et donc on raconte justement que alors que Cratès et Hipparchia faisaient l'amour en public, pudiquement, Zénon les recouvrait de son manteau. Parce que le stoïcisme va d'une façon détournée rétablir les valeurs en vigueur dans la société. Et est-ce que vous pensez, il faut quand même faire un lien avec la situation que nous sommes en train de vivre, on n'est pas dans des tonneaux, on est chez nous, ce que Diogène n'aurait sans doute pas supporté, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le confinement qui peut être vécu comme l'attitude cynique a été déployée par Diogène, une espèce de se recentrer sur des choses qui peuvent nous paraître essentielles et ne pas être du côté de l'illusion, mais du côté de ce que l'on voit de soi quand on est chez soi, justement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Quelle aurait été l'attitude, la réaction de Diogène ? Il ne serait pas confiné, je pense. Il n'aurait pas besoin. Il n'aurait pas eu besoin d'être confiné, puisque de toute façon, il vit à l'extérieur. Il vit là où les autres ne sont pas, donc dans les temples, dans un tonneau ou dans les bains publics, c'est-à-dire là où ceux qui auraient été confinés n'auraient pas pu aller. Donc il n'aurait pas eu besoin d'être confiné. Je pense qu'il aurait dit, pas à ceux qui sont confinés, mais dont le confinement remet en cause leur existence, qui sont dans une détresse économique, hein, parce qu'il y avait tout de même une sensibilité à la pauvreté, parce que même si les cyniques eux-mêmes se veulent pauvres, néanmoins, par exemple, on a des témoignages de règles selon lesquelles ils se refusaient à demander l'aumône à ceux qui étaient déjà pauvres. À ceux qui déjà manquaient du nécessaire. Il fallait sélectionner les gens à qui l'on demandait l'aumône. Donc je pense qu'il aurait dit que pour tous ceux qui sont confinés, mais d'une façon assez confortable, hein, qui ont un abri, qui ont à manger, etc., mais de quoi vous plaignez-vous ? À quoi ça vous sert de sortir, puisque de toute façon, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà chez vous. Oui, mais c'est une restriction des libertés auxquelles lui tenait, j'imagine. Les libertés, pas la restriction. Je, euh, Je ne suis pas sûre que l'on puisse effectivement, il n'aurait pas, peut-être, il aurait difficilement supporté d'être, oui, d'être en prison. Enfin, je n'ai pas de, oui, je ne vois pas de ce cynique ouais. en prison. Mais bon, par exemple, Socrate n'a pas cherché à s'enfuir de sa prison. Oui. Ouais. Et donc, parce que la restriction de la liberté d'aller et venir, je pense que elle peut être justifiée par une forme de d'événement de désordre à l'intérieur de la nature, puisque c'est ce qui se passe au moment de l'épidémie. Oui. L'épidémie, c'est une rupture, une sorte de rupture de l'ordre de la nature. Et donc, peut-être que à ce moment-là, on peut, à cause de cette rupture de l'ordre naturel, admettre que pendant un certain temps, en prenant l'exemple sur certains animaux, par exemple les animaux qui constituent des réserves et qui hibernent, eh bien que pendant un certain temps, on reste chez soi. Une dernière question, Suzanne Husson. Est-ce que vous diriez de Diogène qu'il était antisocial ? Alors, si on prend société dans son sens ordinaire, oui, puisqu'il refuse les rôles sociaux ordinaires. Mmh. Il refuse d'assumer aucun rôle social. Donc, en ce sens, on pourrait le qualifier d'antisocial. Mais ce qu'il veut, c'est faire que les êtres humains puissent faire authentiquement société, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir entre eux une relation qui ne dépend sur aucune, qui ne dépend d'aucune contrainte, contrainte de pouvoir, contrainte politique, contrainte économique. Et donc, ainsi, nous pourrions avoir une relation qui est, justement, véritablement libre. Merci beaucoup, Suzanne Husson. Merci d'avoir parlé de Diogène ce matin depuis chez vous. C'était un plaisir de vous entendre en parler. Je renvoie votre livre, La République de Diogène, une cité en quête de la nature, aux éditions Vrin. Et on se quitte, eh bien, avec un vrai antisocial, en tout cas une chanson qui en tresse les louanges. Trust, bien sûr. Sang-froid, mais tu vas le retrouver dans un instant sur France Culture, les chemins de la philosophie, grâce à Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. D'où vient que la publicité nous fascine? Alors, à l'exposition que le Musée de la vie romantique consacrait à Baudelaire il y a quelques années, les deux choses qui m'avaient le plus marqué, c'était la petite photographie du poète par Nadar et une publicité pour du cirage. Que la photo m'ait fasciné, rien d'anormal. Ces incunables de la photographie ont quelque chose de fascinant. C'est comme si l'univers avait pour la première fois ouvert les yeux. Le concept, en réalité, de ce genre d'image est plus ancien que la photographie. On en trouve notamment la trace dans l'iconographie religieuse, remplie d'images qu'on appelle achéiropoïètes, d'images réalisées sans l'intervention de l'homme. Le monde serait désormais capable, sans l'intervention de la main et du regard, de se représenter lui-même. Le sphère de Turin, soudain, n'est plus que le vulgaire, qu'un vulgaire négatif, et c'est ce qu'il y avait là dans les yeux de Baudelaire, la frayeur d'appartenir à un monde où l'image serait sécularisée, où le spirituel serait devenu matériel, où le regard serait devenu objectif, et où le poète n'aurait plus rien eu à vendre, maintenant qu'il aurait perdu, comme le peintre, le privilège de l'image. Oui, enfin, on trouve encore des images dans la poésie de Baudelaire. Des images, oui, mais des images corrompues, car le poète n'est plus qu'un marchand d'images, qu'un vulgaire colporteur. Maintenant qu'il n'en est plus, le producteur, c'est uniquement à la mort comme bain révélateur, que Baudelaire possède ainsi une puissance poétique. La mort planant comme un soleil nouveau fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. Le poète se sent ainsi regardé par un regard plus puissant que le sien, un regard déplié, objectif, celui de la publicité comme monde des images ayant accédé à l'autonomie. Ce dont j'ai trouvé l'illustration dans les vitrines disposées tout autour de la photographie de Nadar, des vitrines remplies par les exemplaires originaux des journaux dans lesquels Baudelaire a fait paraître ses textes pour la première fois. Ces critiques d'art, prises sur le vif, étaient ainsi perdues au milieu des publicités pour du cirage ou pour des lotions capillaires. Et je me suis dit qu'aucune édition originale, qu'aucun manuscrit autographe de Baudelaire ne pouvait être plus authentique que cela. Baudelaire avait bien agité la notion d'idéal dans un monde où les hommes perdaient leurs cheveux, l'avait agité comme on agite un flacon de lotion capillaire avant de se l'appliquer sans trop vraiment y croire. Quoi de plus baudelairien que cela ? Et je fixais ainsi les promesses de ces publicités vieillies pour des remèdes périmés comme si c'était elles qui détenaient le secret poétique de leur temps. Parce que vous pensez que le monde de la publicité, c'est toujours celui de l'idéal ? Ben, il y a presque 20 ans, les Cahiers du cinéma, l'organe officiel de la critique la plus intransigeante, présentaient toujours au verso la même publicité avec Claudia Schiffer, une publicité pour des shampoings L'Oréal. C'était l'apothéose du dogme de Lars von Trier avec un film ultra brechtien tourné sans décor à même le sol nu du plateau. Mais on ne savait plus trop qui jouait vraiment dedans, si c'était Nicole Kidman qui faisait la couverture ou Claudia Schiffer qui secouait ses cheveux. Aucune image n'avait en réalité l'air plus vrai que l'autre, le réel et l'idéal paraissaient interchangeables et on aurait pu tout aussi bien comprendre les enjeux esthétiques de l'époque en lisant les Cahiers du cinéma à l'envers. Donc votre réponse à la question pourquoi la publicité nous fascine, c'est de dire que finalement la publicité nous fascine car elle a pris la place de l'art. Ah, alors elle tient en tout cas lieu de récit objectif, cohérent, désirable, elle tient lieu en cela d'idéal. Et si Baudelaire souffrait sans doute d'être abaissé au rang d'un vendeur de cirage ou de lotion miracle, il n'y a plus aujourd'hui de stars de cinéma qui ne considèrent les films qu'elle daigne encore tourner autrement que comme des publicités alimentaires destinées à assurer la promotion de leur véritable carrière, celle d'égérie d'une marque. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, c'est Laurence Malonda qui réalise pour vous les émissions cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. À la lecture des textes, Daniel Mesguiche. On se donne rendez-vous demain vendredi. Comme tous les vendredis, ce sera Profession Philosophe qui chaque semaine donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, on sera en compagnie d'une prof de philo en terminale, elle s'appelle Lauriane Adam, et vous pourrez la découvrir à ce micro. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série d'émissions autour des philosophes antiques et celle d'aujourd'hui, sur Diogène le Cynique, dans son tonneau, souris, chien, à réécouter et bien soit en ligne sur le site de France Culture, soit en téléchargeant l'application Radio France. Vous verrez, elle marche très bien. Et puis vous pouvez écouter toutes les émissions du groupe en direct ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter au moment de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On est ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.